رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اما بعد، دونك très récemment pour parler de l'actualité de manière générale. Et ce qui a poussé à le faire assez rapidement, c'est vu les événements. Donc, les événements et l'ampleur que ça a pris, et que bah, la majorité des gens, malheureusement pour la communauté musulmane, je précise parce que les non-musulmans, les mécréants parmi les juifs, les chrétiens, enfin, je dirais plus les chrétiens, parce que les juifs aussi, c'est pareil, ils sont un peu à côté de la plaque au niveau de ces sujets-là, les sujets qui traitent du monde dans lequel on vit. Mais les chrétiens, ce point-là, bon, pour ceux qui s'affilient au christianisme, parce que il y en a, c'est que de nom, hein, du nom, s'affilient au christianisme, et pas beaucoup du fait que ce soit des gens de type caucasien, donc blanc. Voilà. Alors, ces gens-là, ils sont pas mal avancés, ils sont pas mal informés, surtout sur plein de sujets, et surtout, comment ça s'appelle, principalement, dans les sujets qui traitent, entre guillemets, de l'eschatologie, d'un point de vue, on va dire, sont religieux et pour ceux qui ne le sont pas vraiment, d'un point de vue manipulation mondiale et tout ce qui est attrait à ce qui domine le monde, entre guillemets, et que ça touche un peu tous les aspects de la vie de chaque individu, voire même d'un point de vue international. Encore dans les débuts, là c'était l'objectif un peu de traiter l'urgence par rapport à ce qui est en train de se passer, d'étayer un peu les petites connaissances qu'on a pu acquérir depuis un certain temps sur ce sujet. Après, s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres choses à partager, tant qu'elles sont fiables et elles sont authentiques, enfin, le plus authentique possible, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, tellement il y a de l'information, ça peut donner à tout le monde de pouvoir faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Surtout qu'avec cette technologie et toutes les plateformes qui existent, tout le monde donne un peu son point de vue, ses opinions par rapport à ce qui se passe. Là, on parle toujours d'actualité, hein, du monde et de ce qu'il en est, pas religieux. Même si ça touche aussi un peu le religieux, hein, ce que je viens de dire, c'est que maintenant, c'est tout le monde a un public. Tout le monde a des, je ne vais pas dire des suiveurs, mais des gens qui prêtent oreille, qui prêtent de l'attention, donnent de l'attention à certains auditeurs. Certains, ils sont qualifiés, d'autres, ils se sont, on va dire, entre guillemets, fait sur le tas et qui restent quand même assez corrects et sérieux d'un point de vue information. Et d'autres qui racontent un peu n'importe quoi et qui sont complètement à côté de la plaque. Et que bon, il y a plusieurs objectifs derrière, c'est pour mélanger de l'information histoire de brouiller un peu les pistes. Donc il y a plusieurs intentions, des fois c'est voulu, des fois c'est pas voulu. Il y en a qui sont, on va dire, un peu plus après axés dans un domaine plutôt tendance. Donc voilà, ce groupe, Inch'Allah, il aura pour but parler de l'actualité d'une manière générale, quand ça sera nécessaire ou quand ça sera quand on sera confronté, enfin, si on est confronté. Après, bah, on essaiera de parler un peu de tout doucement de ce qu'il en est, de nouvel ordre mondial, parce que c'est ce qui va arriver, de sa réalité, et comme je dis, voilà, tout ce qui peut être lié à tout ça et depuis quand. À travers quel moyen, de voir aussi au niveau historique, parce que c'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça du jour au lendemain. Ces gens-là ne dominent pas comme ça, hein, depuis quelques années. et faire le lien très religieusement un peu sur ce qu'il en est. Parce que finalement, on va voir que y a pas, ce ne sont pas que les êtres humains, en fait, ils sont pas tout seuls, enfin, ceux qui sont à un certain niveau de la domination mondiale, ils sont pas forcément tout seuls. Il y a, quand on voit que ce plan-là, il a traversé les âges et les siècles, et que les objectifs, ils ont été plus ou moins les mêmes, ou du moins, cette classe qui a dominé pendant des siècles a eu plus ou moins, même si ça évolue à un moment donné, même rituel, c'est, comment ça s'appelle, les mêmes codes, les mêmes idéologies, avant tout. Et que finalement, ils ont été confrontés à l'islam, à un moment donné dans le temps. Alors, le coronavirus. Comme j'ai expliqué, le coronavirus, au début, dans les premières interventions, je ne sais pas si tout le monde était là ou pas, tout le monde l'a vu comme ça. Comme un virus à part entière, et en fait il ne se focalise que sur le virus et soi-disant son impact et sa nocivité ou du moins son capacité à ce que ça puisse tuer des gens. Je vous ai dit que le coronavirus en fait c'était une arnaque en soi par rapport à sa réalité et qu'en fait derrière il se cachait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un peu le déclenchement d'un de leurs processus, d'un de leurs plans, et ça leur servira ou ça leur permettra, ou dans un premier temps, de tester certaines choses qui concernent bah, les individus, hein, chaque personne. Ou ça va être dans un premier temps d'expérimenter, ou sinon ça va être de mettre en place tout doucement et d'habituer les gens à un nouveau système. C'est pour ça que beaucoup, je ne sais pas si vous écoutez des fois certains intervenants, mais ça c'est ce que je vous avais dit aussi, c'est qu'on va basculer en fait dans un nouveau monde et les gens ne le savent pas. Ils ne savent pas parce qu'ils ne sont pas informés, parce qu'ils ont une autre idée du système et de la société dans laquelle ils vivent. C'est-à-dire que bah ils ont totalement confiance dans l'information qu'on leur transmet à travers les médias dominants et du coup bah forcément on pense que c'est une en gros on remet même pas en question ce qui nous baratine et donc le coronavirus je vous l'avais dit que en soi c'était pas quelque chose de grave par rapport au virus qui existe déjà et que derrière, comme j'ai dit, il y avait des choses qui allaient se préparer, on va en parler là dans quelques instants, vite, rapidement. Et la réalité du coronavirus, de ce qu'il peut causer comme dégâts et ainsi de suite. Et là, je ne sais pas, je pense que tout le monde a dû entendre parler, a vu quelques vidéos par-ci, par-là, concernant le professeur, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Raoul, ou je ne sais pas quoi. Bref. Et au début, je vous en avais parlé, je ne sais pas si certains j'avais partagé cette vidéo, et elle a été faite, en fait, elle a été partagée par le libre penseur, alias Salim Laibi. Et donc, en fait, ce personnage qui est bien instruit, cultivé et concernant le monde un peu occulte, de là, il a quand même de bonnes références, de bonnes sources, et généralement, c'est du sérieux. Donc, bah, qu'est-ce qu'il a publié donc, quand il a transmis tout ça, c'était encore nouveau et... Je disais en soi, par rapport au virus, voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il en est, et que finalement, il y a des traitements, il y a des. C'est pas si dangereux que ça, et que derrière, la société, ou du moins le pouvoir occulte, caché, allait exploiter tout ça. Et là, On voit depuis un certain temps, il a été invité un peu partout dans plein de plateaux. Certains, c'était pour le descendre, d'autres, c'était réellement pour écouter, et d'autres, c'était bon, bah, pour faire la promotion. Généralement, ceux qui faisaient sa promotion, c'est des médias indépendants. Donc, comme Planète 360, il y a qui d'autre encore qu'il avait invité? Je me rappelle plus d'autres médias. Le Média, il s'appelle comme ça, Le Média. Donc, comme je disais tout à l'heure, et c'est généralement des non-musulmans. C'est quand même, on va dire, c'est le comble, mais c'est un triste constat, et je dirais que c'est le résultat de nos actions. Parce que si Allah fait en sorte qu'on est en retard, c'est qu'on a un problème à régler. Il y a un sérieux problème. Donc, le docteur, au départ, il a été démenti, ainsi de suite. Tout doucement, il a été pris au sérieux. Et maintenant, il y a plein de pays qui ont mis en place son protocole. Et son protocole, dans les autres pays, a donné beaucoup de résultats. Mais quand vous voyez vraiment comment, je pense que la majorité ont regardé, ont pris, ou des séquences, ou certaines interventions au complet. Vous voyez un peu là, je ne vais pas dire la mauvaise foi, mais la manipulation, du moins comment les médias veulent manipuler les esprits et les gens. On a des personnes qui sont incompétentes, ou en tous les cas, d'un point de vue par rapport à ce virus-là. On le voit parce que il y a eu des journalistes, des médecins ou des choses comme ça qui des fois, en fait, ils faisaient en sorte d'être face au docteur pour qu'il sème un peu le doute. C'est marrant de voir que justement, là, si on se place en tant que, entre guillemets, citoyen, ça c'est le dernier de mes soucis, moi, je ne me place pas en tant que citoyen, j'attends rien d'eux. Mais celui qui veut regarder ça d'un œil, on va dire naïf, il va se rendre compte que c'est bizarre. Comment se fait-il qu'il y a un docteur qui est là? Enfin, et d'ailleurs, je vais faire rapidement, un peu rapidement, mais très très rapidement, si vous voulez avoir un peu plus de détails concernant le parcours et le cursus et le niveau du docteur, vous pouvez voir les vidéos de Salim Laibi. Vous en verrez d'autres sinon concernant. C'est un des plus grands spécialistes au monde. C'est au monde, hein. C'est une référence, une pointure dans le domaine de tout ce qui est maladie infectieuse. Ouais. Infectieuse, plutôt. Et comment s'appelle? Il dirige une unité à Marseille, presque des seules au monde, où ils font pas mal d'expériences, ils traitent des gens, et ainsi de suite. Et donc, lui, il travaille avec d'autres médecins internationaux. Dans cet hôpital-là, à Marseille, où il y a une unité qui est spécialement, comment s'appelle, orientée dans tout ce qui est donc maladie infectieuse, et le docteur Raoul, c'est le chef, en fait, c'est lui qui est au-dessus de tous ces docteurs-là. Donc c'est lui qui mène les recherches, comment s'appelle, les études, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que là, on n'a pas affaire à un charlatan. C'est quelqu'un qui est connu qui est reconnu et réputé dans la communauté scientifique et médicale. Il a fait pas mal comment ça s'appelle, d'études et des tests sur pas mal de cas. Et ça a été, comment ça s'appelle, reçu. Il a même reçu des prix par rapport à ses travaux. Donc, quand on voit qu'il y a une personne comme ça qui se présente et qui propose quelque chose et on fait en sorte de ne pas trop y croire, de mettre des réserves, dire que c'est délicat, que ça concerne pas tout le monde, que on peut pas en faire une généralité, mais là il est question de mort. Il y a des gens qui meurent et ce sont les gens les plus fragiles. Donc, comme je vous ai dit aussi. Donc, comment on peut regarder ça? Enfin, si pour le citoyen, on va dire, classique, ben, il va pas comprendre. Je veux dire, s'il a des méthodes qui sont tous des méthodes simples, et qui peuvent se faire administrer en l'espace de quelques jours. Comment s'appelle, il y a moins de, comment s'appelle, enfin, il y a plus de symptômes et que la personne guérit. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Et quand on voit que le gouvernement met des réticences, ainsi de suite, c'est bizarre. On ajoute à cela la chloroquine, le traitement de la chloroquine à la chloroquine. Ils ont vu, subhanallah, au mois de janvier, le ministre de la Santé a classé ce médicament, je ne sais pas quoi, comme parmi certains médicaments dangereux, et ainsi de suite, et qui ne peuvent être prescrits que par ordonnance. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc c'est un peu bizarre. Au mois de janvier, quelques mois avant, il y a une loi qui est votée pour interdire ce médicament, ou du moins il sera prescrit comme ça. Ça, c'est une chose. Deuxième des choses, quelques temps plus tard, en fait, ça c'était encore dans les premiers jours, voire la première semaine où ils avaient découvert tout ça. Bien sûr, c'est très bizarre, et surtout quand c'est lié à la ministre de la Santé, et quand vous voyez l'acharnement de la ministre de la Santé au jour d'aujourd'hui concernant le docteur, et lui lui-même, il le dit, il a reçu des pressions et des menaces de mort. Ah oui, ça rigole pas. Hein. Quand on touche à l'organe du nouvel ordre mondial, c'est des gens qui sont capables. Alors, bah, comme la preuve, Clerc-Sévrac qui a été tué, et c'était aussi un éminent docteur qui, à un moment donné, s'est lancé dans la recherche et qui a édité et qui a fait pas mal de livres. Et tout doucement, bah, elle a été malade, comme par hasard, et elle est morte. Alors qu'elle est en très bonne santé, et ainsi de suite. Donc, généralement, c'est ce qui se passe. Pour celui qui va trop parler, eh ben, il est face à un danger. Et là, on va voir, en fait, dans l'objectif qu'on est mis dans ce groupe, on va essayer de comprendre finalement qui se cache derrière, qu'est-ce qu'il en est, c'est quoi le projet, et en fait la réalité du monde dans lequel on vit, et de quelle manière il est dirigé réellement. Pas comme la majorité des gens le pensent, mais très subtilement, par une poignée de gens. Issus de différents pays, mais de familles, entre guillemets, qui a traversé les siècles. Et ils ont un plan. C'est pour ça que je vous ai dit qu'à un moment donné, quand vous voyez que c'est quelque chose qui s'est poursuivi dans le temps, il y a forcément une main satanique. Donc, sûrement, Iblis doit être de la partie, ça c'est sûr. Et l'Antéchrist, et ainsi de suite. Donc, tout ça, hein, Inch'Allah, on le démontrera. C'est vrai que des fois, ça fait un peu de balancer tout ça en vrac. C'est pas évident. Mais avec le temps, Inch'Allah, partagera des liens, et ainsi de suite. Et vous verrez que celui qui est endurant et persévérant, il comprendra ou il commencera un peu à avoir une image de qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi, comment, jusqu'à quand. Et ça va lui donner aussi une bonne compréhension et un meilleur sens à sa religion et à sa pratique. Il sera un peu plus ferme aussi dedans. Donc, voilà un peu tout ce qui s'est passé et ça continue. Donc, la chloroquine a été, une fois qu'elle a été votée comme quoi c'est un médicament, hein, quelques temps plus tard, qu'est-ce qu'on a? Ben, le stock de chloroquine, parce que certains médecins ont voulu commencer à faire ce traitement-là, ben, il y a plus de chloroquine dans les stocks. Bizarre encore. Donc, quand on voit tout ça, et tout la mascarade qu'ils nous ont fait concernant le virus, que ça touche des gens, ça tue des gens, ils ont mis en place un confinement, et ainsi de suite, et que derrière, ils ont des solutions. À un moment donné, on se pose des questions, on peut se poser des questions à un moment donné. La réalité de ces gens-là, ce sont des criminels. Les gens qui gouvernent, ainsi de suite, ce sont des criminels, ce sont des sataniques. Sataniste, la preuve. On est que ils jouent avec la vie des gens. Ils savent qu'il y a des traitements et ainsi de suite. Pourquoi ils n'ont pas mis ça en place? Bien au contraire, on voit des lois, enfin des actes qui vont à l'encontre de ça. Donc en fait, finalement, ils veulent pas que les gens se soignent. Ils ne veulent pas. En fait, ce n'est pas une maladie qui est tombée comme ça. Un virus qui est arrivé comme ça et ils sont pris au dépourvu. Ils n'ont pas de solution. Au contraire. Donc, Ça, c'est une chose. Il y a quoi d'autre encore à ajouter sur l'histoire de la chloroquine et de comment ça s'appelle, et du professeur? C'est que oui, donc il y a beaucoup de pays qui ont acheté, enfin, qui travaillent avec lui concernant justement le traitement. Et si, en fait, c'est pas que le gouvernement il va pas être touché. Après, c'est beaucoup plus subtil. C'est que tout le monde n'est pas initié, c'est-à-dire à ce qui est en train de se passer dans le gouvernement, dans l'ascenseur politique et dans, je dirais, dans l'administration d'une manière générale, ou dans le comment s'appelle, le côté de la manipulation. Enfin, tous ceux qui sont dans cette manipulation, ils sont pas tous conscients, ils n'échapperont pas à tous à ça, parce que finalement ça reste quand même des comment s'appelle, des choses qu'on a contrôle, hein, faut pas oublier. Donc cette ruse qu'ils sont en train de faire et de mettre en place contre les gens, enfin, dans la phase dans laquelle on est, parce que ça fait déjà un moment, hein. Quand vous voyez d'autres maladies ou d'autres manipulations qu'on verra plus tard, comment ils font pour renverser des gouvernements, comment ils font pour corrompre et pour endetter des peuples au point où justement ils vont pouvoir puiser de ces peuples-là et faire en sorte qu'ils soient toujours, on va dire, toujours les derniers. Et du coup, qu'ils soient exploités. Donc en fait, tout le monde n'y échappe pas. Tout le monde n'y échappera pas. Parce qu'il y a eu des gens. Après, c'est sûr que eux, ils auront peut-être un peu plus de facilité ou de possibilité de se soigner, si c'est le cas. C'est-à-dire s'il y a des virus, s'il y a des traitements, s'il y a des vaccins ou des choses comme ça, c'est sûr qu'eux, ils seront moins touchés que le petit peuple. Il n'y a pas photo, mais il y en a qui ont été touchés, hein. Il y en a qui ont été touchés dans le gouvernement, et l'exemple que j'ai dans mon tête, c'est Estrosi, et qui a fait justement le traitement de la chloroquine, et qui a décidé que sa ville soit, comment s'appelle, soit prise en charge par ce traitement-là, enfin, ce traitement-là soit appliqué. Et là, on voit plein de pays, je pense que vous avez pu le voir, plein de pays du Maghreb, les États-Unis, déjà, ils ont acheté presque tous les stocks, ainsi de suite. Après, voilà, il est question de fabriquer ce produit en plus grande quantité. Bon, ça, c'est une chose. Donc, finalement, le vrai problème, il n'est pas dans le virus en soi. Je pense que maintenant, enfin, pour ceux qui essaient de regarder ces informations d'un autre œil, va s'apercevoir que finalement, il y a quelque chose qui cloche. À qui profite le crime? Oui, ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Il profite à plusieurs personnes. On voit plusieurs groupements de personnes. Parce que finalement, ils sont tous quelque part un peu liés dans ce point-là. Et comme j'ai dit la dernière fois, chacun, en fonction de chaque dans le domaine dans lequel ils sont, ils vont exploiter ce virus-là. En fait, pour comprendre ça, il faut savoir qu'il y a plein de sociétés secrètes. Et ces sociétés secrètes, il y a des domaines. Il y a des sociétés secrètes qui sont plus axées ou orientées vers tout ce qui est rituel, satanique, adoration, ainsi de suite. Il y a des sociétés secrètes qui sont orientées politiques. Il y a des sociétés secrètes qui sont orientées économie, médias, la défense, et ainsi de suite. Il y en a énormément. Donc ça profite en fait à tous. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce virus-là n'est qu'un outil pour leur permettre de passer à une autre phase dans leur plan du gouvernement mondial. Et d'ailleurs, subhanallah, Jack Attali, j'aurais dû faire une capture d'écran, il avait fait un tweet, je crois, ou je sais pas quoi, franchement, parlant, quoi. Il a parlé du nouvel ordre mondial, là, récemment encore, et il a dit quoi? Il a dit que faut pas que les gens pensent que la situation va redevenir normale. Elle n'est pas normale, et elle ne le sera plus. Et que les gens devront s'habituer. C'est vraiment, bon, pour ceux qui connaissent l'Italie, Il est sérieux, le gars, dans son délire. Et c'est quelqu'un de très, très, très, très influent. Et il l'a été depuis Mitterrand. Depuis Mitterrand, c'était le personnage clé, et le confident des présidents. Le confident des présidents. Donc, comme je disais, donc, le crime profite à tout le monde. Donc, le vaccin, le vaccin, le virus, comme donc je vous l'ai dit, et c'est ce qu'il en a, il l'a évoqué. Je sais pas si certains d'entre vous ont Facebook, mais je pense un peu plus Twitter. Prenez le compte du docteur et vous allez voir un peu et suivre ce qu'il dit. Et il le dit lui-même, hein, je me rappelle plus, j'aurais dû le capter le comment s'appelle le message, enfin son poste, où il disait que c'est un virus, c'est pas un virus qui est plus mortel que n'importe quelle grippe saisonnière. Et c'est ce que je vous disais par rapport à sa caractéristique au virus, parce que j'avais écouté certains avis de spécialistes, de voir quel est son degré comment s'appelle, dans la classification des virus, et ainsi de suite, et à quoi il ressemble. Par contre, en même temps, il disait que, en fait, quel groupe de personnes serait le plus touché ou le plus sensible à ce virus-là. Donc, il en a parlé aussi dernièrement. Prendre toutes les mesures qui ont été prises. D'ailleurs, après, bah, il a même remis en cause le confinement en soi en disant que c'est n'importe quoi. Bref. Donc, quand on voit qu'il y a des choses qui sont contradictoires et que ça vient quand même d'une personne assez sérieuse dans leur domaine, il faut se poser des questions. Donc, le coronavirus, il n'est pas encore parti. C'est pas encore fini. Ils vont continuer à le manipuler, à le manier pour obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Ils ont commencé à faire des tests. Je sais pas si vous avez vu. Ils ont parlé de certains, comment ça s'appelle, de certains opérateurs, ou du moins certains opérateurs ont été contactés par l'Union européenne afin que ils puissent relever tous ceux qui sont en infraction par rapport au confinement. Ils ont aussi par rapport au téléphone, donc. En fait, les téléphones, comme j'ai dit, hein, ça n'a pas été tout ce qu'on a aujourd'hui. Tous ces outils, ils nous ont donné ils ont donné une autre image de son utilité et de, comment ça s'appelle, de sa réalité, et de son existence. Alors que non, ça a été juste pour nous traquer, pour nous infiltrer quelque part et d'avoir un maximum d'informations. Vos téléphones, ils savent exactement tout ce qui se passe à n'importe quel moment de la journée. Ils les déclenchent sans que vous le sachiez. Comment ça s'appelle, que ça soit Apple, que ça soit toutes les autres marques, ils font tous la collecte d'informations. D'accord, ça c'est des centres, c'est des organisations privées, tout même bien connues de la majorité des gens. Et que, en fait, ils collectent des informations. Donc, ils ont autorisation de déclencher et de mettre sur écoute, de capter des écrans, de rentrer dans les téléphones, de voir un peu, ainsi de suite, ce qui leur permet, soi-disant, d'améliorer, d'évoluer, de faire en sorte que cet outil soit de plus en plus, comment ça s'appelle, pratique et que son utilité soit de plus en plus avérée. Et en fait, non. Tout ça va servir à manipuler et à pouvoir contrôler, surtout contrôler, j'insiste sur le mot contrôler, parce que c'est ça leur vrai objectif. C'est de contrôler les gens à travers leurs émotions, à travers leur comportement et à travers leur manière de vivre. C'est déjà le cas. Et après, c'est vrai, on en avait parlé dans le groupe dernier, c'était Samir ce qu'il avait évoqué, la 5G. Et en fait, du moins cette technologie aide à amener les gens à cette domination et ce contrôle total. On le voit très bien de toute façon, la relation avec le téléphone, la relation ou l'impact que le téléphone a dans notre vie et d'un point de vue d'utilisation. d'un point de vue aussi social, parce que ça a beaucoup coupé la relation avec les gens, la famille, avec le monde. Tout le monde est dans son. De toute façon, voilà, il y a plein de caricatures, plein de personnes en parlent, voilà, de l'intrusion du téléphone dans la vie de l'homme, comment ça l'a changé, et ça continue à le changer. Après, d'un point de vue médical, toutes les maladies aujourd'hui qui sont liées comment s'appelle, au cerveau, et ainsi de suite, elles sont liées à comment s'appelle, à cette, enfin, elles ont été déclenchées malheureusement grâce à cette technologie. Donc finalement, cette technologie, il y aurait tellement de choses à dire, en fait. J'essaye d'avoir un fil conducteur et de le tenir, mais en fait, il y a tellement de sujets qui fait qu'à un moment donné, je dérape. Donc je reviens sur la chloroquine et sur le sujet enfin, de la chloroquine sur le virus et de son de ses de ses donc par expérience, je sais que les chloroquines, étant donné qu'ils sont aussi très. Ça, j'essaierai aussi avec le temps de vous le démontrer, enfin, de vous amener des éléments de la chose. En fait, ce sont comme une énergie, et ce sont des créatures qui réagissent, qui sont très réceptives, donc ça, aux fréquences, aux ondes. Et qu'est-ce que ce téléphone. Enfin, comment fonctionne le téléphone, ou les téléphones, et le Wi-Fi, et tout ce qu'on a comme outil interconnecté, ben, ça fonctionne avec les ondes et les fréquences. Donc, du coup, ben, c'est beaucoup plus facile donc, pour eux, à ce moment-là, de manipuler les gens, parce qu'en fait, ils les manipulent parce que, à cause de ces outils-là, à cause de leur impact sur notre vie, eh ben, on en a tous, malheureusement, un paquet. Ou qui tournent autour de nous, et qui nous influencent, ou qui sont à l'intérieur. Sans compter après le contenu de tout ce qu'on a aujourd'hui dans les médias. C'est la sorcellerie de masse ou la sorcellerie d'État. Il y a plusieurs types de sorcellerie. Et voilà, donc avec ces outils, donc, ils ont un impact considérable dans la modification, le changement des comportements des gens pour les amener à accepter ce monde et ce nouveau monde. La preuve, est-ce que les gens se rebellent, se posent des questions, se mettent en retrait, commencent à réagir et à avoir une autre manière de vivre, ou qu'ils aspirent? Les gens sont de plus en plus dociles, de plus en plus soumis. Et il y a une colonisation intellectuelle, idéologique, mentale, une prison qui est en train de, enfin qui a commencé déjà, et qui est en train de se renfermer encore plus ou se refermer encore plus. Donc cette technologie, entre autres, elle aide, comme je disais, comme le virus. Il aide beaucoup, en fait, à pouvoir les amener à un plan. Et ce plan, en fait, il est tellement vaste que ça serait très compliqué de parler de tout, et ça serait même prétentieux de ma part de penser que vous croyez, ouais, que j'ai tout appris, compris, je sais tout ce qu'il en est ou tout ce qu'ils veulent faire et comment ça va se mettre en place. Non, il y a des informations, voilà, là, qui nous permettent de comprendre un peu ce qui se passe. Après, l'essentiel, il n'est pas là. En fait, ça, c'est juste pour comprendre et nous mettre et nous prémunir. Mais on revient à quoi? À nous rapprocher encore plus d'en bas, de faire les causes et de comprendre que finalement, voilà. On voit quand Allah abandonne un peuple, et là, on parle de la communauté musulmane, comme je dis, elle est complètement à côté de la plaque par rapport à tout ce qui se passe. Et ben, quand un peuple abandonne Allah, enfin, abandonne Allah dans le sens n'est plus soumis ou n'est plus soumis comme il se doit, ben Allah les abandonne. Et on voit très bien que le résultat, c'est qu'on est à côté de la plaque. Donc, pour récupérer, pour revenir déjà à échelle individuelle, une certaine compréhension, lucidité et forcément, et surtout, je dirais, à une certaine relation, une proximité avec Allah, donc la créer à travers ce qu'on a vu. Parce que finalement, toutes ces preuves, en fait, chaque chose, Allah a fait en sorte qu'elle ait un objectif, ou c'est la guider, ou c'est les garder. Normalement, il est censé se rapprocher. D'ailleurs, c'est ce que les prédicateurs mettent en avant, la majorité des prédicateurs, parce qu'en fait, quand vous les écoutez, ils ont complètement rien compris à ce qui se passe, mais voilà, c'est un soldat parmi les soldats d'Allah. Voilà, quand on est dans une société qui est à nous, musulmans, je ne sais pas ce qu'il en est, mais je n'arrive pas à les écouter. Mais bon, je vois à peu près le titre de leur vidéo, et voilà, ils remettent tout le temps dans le sujet le fait de revenir en bas, de se repentir, ainsi de suite, parce que oui, mais ça, on n'a pas attendu cet événement-là pour faire un retour à Allah. On ne doit pas attendre ce moment-là. D'être un peu... Oui, on sent qu'on approche de la fin des temps. C'est vraiment... C'est humiliant. C'est humiliant, parce que quand les non-musulmans voient ça, les musulmans sont vraiment dans une autre planète. Et réellement, ils le sont, malheureusement. Donc voilà. La chose à quoi ça doit nous pousser, c'est à se rapprocher d'un pas, essayer de faire les causes, et de faire les causes, ça veut dire de pratiquer. En fait, cette pratique, Allah, à travers celle-là, il préserve sa créature et il les sauve, entre guillemets. On l'a bien vu dans l'histoire des prophètes. Donc ceux qui ont été fermes et ceux qui ont cru et ceux qui ont été avec les prophètes, Allah, il les a secourus. Ceux qui ont été, on va dire, à l'opposé, ils ont péri. Tout simplement. Donc le virus est un moyen pour leur permettre de passer sur d'autres plans. Alors, là, ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce qui est en train de se dégoupiller, il y a une crise qui est déjà là. Mais quand on voit les économistes et ce qu'ils sont en train d'injecter dans les banques, c'est considérable. C'est celui qui connaît un peu, qui regarde à ce niveau-là, ce que c'est chaud. Quand vous écoutez certains économistes sur la question, ils disent que cette crise-là, qui arrive, mais on n'imagine même pas, on ne sait même pas. Avant, il y a quelques semaines, ils disaient qu'elle va être comme à la création de la bourse, donc en 1900, je ne sais plus combien. Et là, maintenant, ils disent que ça va être un cataclysme. On ne sait même pas, en fait, à quoi on va faire face. Ils ont dit les conséquences du coronavirus, ça va être pourquoi ? Parce que le coronavirus, contrairement à certains virus ou certaines maladies, ainsi de suite, là, il y a quand même une observation à avoir assez particulière, c'est que ça a un impact mondial. Et les actions, elles ont été plus ou moins coordonnées. On voit au jour d'aujourd'hui, c'est le monde entier qui est confiné. Quand je dis le monde entier, je ne parle pas de certaines exceptions, de certains pays. Je parle d'une manière générale. Et ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais passé. Donc le nouvel ordre mondial, il commence à être en place. Il a commencé à faire un pas. Parce que là, il y a une synchronisation des événements, des actions menées par les différents gouvernements. D'accord ? Et on voit le résultat, on voit la réaction du peuple. Qu'est-ce qu'il fait ? Le peuple lui-même, il fait le gendarme. Dehors, quand tu fais pas la queue ou quand tu le truc, il commence à te faire la pas la morale, mais faire le gendarme. Donc, ça, c'est une première. On ne l'a jamais vu. Et ça, c'est particulier. C'est particulier, c'est ça qui nous laisse penser que 2020, il va y avoir encore des événements qui vont marquer cette année et qui vont nous faire basculer dans un nouveau monde, un monde totalitaire et un monde de dictature, et qui va être peut-être à un moment donné imposé par la loi martiale. La loi martiale, c'est-à-dire que c'est l'armée, dorénavant, qui va faire la loi, entre guillemets. Parce que la police est débordée, parce que le corps... la police est complètement, on va dire, dépassée. Et surtout qu'en fait, ça va être le chaos. Et là, on a bien vu, justement, il parlait d'état d'urgence. Vous voyez, dans un état d'urgence, et eux-mêmes, si vous avez écouté certains politiques ou du moins des fréquents, voilà ce qui va se passer. Voilà, nous allons vivre des événements de grande ampleur, que les Français comprennent que des mesures seront prises et que avant ne sera plus comme maintenant ou comme demain. On se demande à ce moment-là, quand ils parlent, où est-ce qu'ils sont les gens? Comment ils comprennent ces informations? Parce que la majorité des gens pensent que, bon, au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois grand maximum, la situation va revenir à la normale et la vie va reprendre comme d'habitude, comme à l'habitude. Métro, boulot, dodo, pour certains, un peu de spiritualité histoire de se faire bonne conscience, de faire ses prières, on va dire, voilà, à l'arrache. Et de préparer ses vacances surtout. De continuer à suivre le troupeau sans se poser de questions jusqu'à ce que bah, il va s'autodétruire. Donc, malheureusement, c'est parce que les politiques sont en train de dire. Ils sont en train de dire que ça va être dur. Déjà, quand il y avait certaines crises, ils ont déjà mis plein de restrictions. Là, ça va continuer, ça continue. Et en même temps, ils sont en train de délivrer un message en disant « Attention, demain, ça sera plus pareil. » Et justement, le coronavirus est un très bon outil car il va déclencher une crise économique mondiale. Enfin, il va l'amplifier parce qu'elle est déjà là. Si vous regardez au niveau économique, il parle déjà de krach depuis déjà, pour certains économistes depuis des mois, pour d'autres depuis quelques semaines et pour certains, les derniers retardataires. À travers cette crise, bah, ils sont en train de dire que bah, là, ça va être quelque chose de ça va être un choc de taille et ça va impliquer une crise alimentaire. Ça va impliquer, en fait, ça va déclencher d'autres crises. Et ça va leur permettre justement à créer de nouvelles lois. Et pourquoi la loi martiale? Parce qu'à un moment donné, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas contenir tout le peuple, parce qu'il va y avoir tellement d'événements, tellement de situations assez intenses que la police ne pourra pas faire face. On continue encore quelques semaines et vous allez voir comment ça va se passer au niveau des banlieues, au niveau des zones, on va dire, de l'endroit, entre guillemets, où il y a une économie souterraine ou une économie parallèle. Le confinement, c'est pas possible tout le temps. Et ça a un impact. Ça a un impact sur l'économie réelle. Et l'économie, on va dire, l'économie de spéculation. L'économie réelle, c'est ce qui existe et c'est ce qui est réel, comme les boutiques, comme ceux qui font qui sont dans le service, dans le BTP. Ça, c'est de l'économie réelle. C'est-à-dire qu'il y a une réelle production. On produit, ou du moins les gens produisent de la richesse, entre guillemets. Et le reste, ce sont des économies qui sont, on va dire, superficielles de spéculation, c'est-à-dire qu'ils vont spéculer sur des matières premières, sur des produits, sur des groupes, sur des industries, sur des choses comme ça, mais il n'y a rien de sûr, en fait. Et c'est à ce travers-là qu'il y a des traders et d'autres qui se font énormément d'argent. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Tamage, je ne sais pas quoi, qui est lui un économiste bon, connu et reconnu. Et en fait, il parle de la crise, de ce qui se passe, et ainsi de suite. Et lui, en fait, il cherche à placer son argent où ça rapporte. Voilà. Ils s'en foutent hein, de ce qui se passe. Ils exploitent en fait ce qui se passe. Donc, ouais. Du coup, donc, ce coronavirus, en fait, va pouvoir amener à changer vraiment de loi, de système et d'habitude, de comment s'habituer les gens. Mais étant donné que les gens, on les a, on va dire, déjà manipulés avec la peur, ainsi de suite, la preuve, ils suivent. Dès qu'ils vont faire ou mettre des choses en place en disant que c'est pour le bien-être des gens, pour leur santé, pour leur sécurité, les gens, ils vont accepter. Et c'est ce qui va se passer. Ça a commencé. Ils ont expérimenté et ils ont vu que ça a été respecté. Donc, Là, le krach boursier, si c'est la première, si c'est la prochaine étape, franchement, ça va faire très très mal et on essaiera d'évoquer ce sujet-là et de quelques éléments. Donc, le coronavirus, pour revenir sur ce cas du coronavirus, je sais pas ce qu'on pourrait redire dans le coronavirus, par rapport au coronavirus en lui-même. Là, maintenant, il y a eu un traitement. Ce traitement-là, j'ai pas totalement vu sa composition, mais apparemment, il y a dans ce coronavirus, dans la chloroquine, je ne sais pas si pour certains l'ont vu, voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Certains composants de la graine de Nigel sont dans la chloroquine, ou l'inverse, comme tu dis, peu importe. En tous les cas, on a vu que ça fait partie du composant de... Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, il y a... Bon, encore une fois, quand je dis c'est vrai, c'est que, comme je vous dis, faites attention aux sources d'informations. Je vous ai dit, hein, le mieux dans cette période, pour celui qui n'a pas, vaut mieux s'abstenir. Ça va être une tranquillité pour son esprit et son cœur. Non. Là, il y a des scientifiques, moi je t'ai dit, j'ai pas suivi des gens qui le disent. C'est des scientifiques. Et bon, là, c'est un groupe que pour frères. Malheureusement pour vous, il y a un frère, un docteur, enfin, dans le domaine, entre autres, de la médecine prophétique, que je suis depuis un moment. Et il en a parlé et il faisait un live sur ça. Lui, il vit en Arabie Saoudite et il fait une formation dans la médecine prophétique, plein de soins naturels à base de plantes, voilà. Et il a parlé de la chloroquine, ou du moins il allait faire un live pour parler de la chloroquine et de la graine de Nigel, et du lien qui est entre les deux et que ça en faisait partie, ou du moins qu'il y avait certains de ses composants. Donc c'est quelqu'un de connu, de reconnu et de réputé. Il y a pareil, il y a Salim Laibi, je pense qu'il en a parlé, je ne sais plus qui d'autre. Parce que c'est encore nouveau, hein. C'est l'information qui est sortie il y a quelques jours. Donc il faut attendre. Moi, de mon côté, j'attends toujours d'avoir d'autres éléments, mais en tous les cas, les premiers qui me sont parvenus, alhamdoulilah, c'est assez fiable. Voilà. Donc voilà, quand vous regardez au jour d'aujourd'hui le coronavirus, il touche qui? Ben, c'est ce qu'ils ont dit. Ceux qui présentent des faiblesses ou qui ont déjà des pathologies d'un point de vue humain et d'un point de vue on s'appelle digestif pour certains et des problèmes nasales. Et généralement, ce sont les vieux. Généralement, ce sont ceux qui fument, ceux qui ont un lien avec voilà. Et comment ça s'appelle? Pas les enfants, contrairement à ce que certains ont dit, sauf ceux qui ont été vaccinés par rapport à certains vaccins. Tel cas, je ne sais pas si je vous ai partagé à vous tous la vidéo sur Sylvie Simon concernant comment s'appelle problème encore une fois. C'est quand on prend l'information. En fait, c'est comme ça que les garçons, les sectes et les groupes et les déviances ont vu le jour. C'est que tout le monde se base sur des hadiths ou sur des versets. Et avec un certain texte qu'ils vont mettre en place, craignez Allah, regardez mes frères et sœurs, ou je sais pas quoi, et faites attention, et d'accord. Mais cette information-là, il faut savoir la prendre et il faut savoir la mettre en pratique. Est-ce que cette personne-là est compétente en la matière? Non. Si c'est le cas, j'aimerais bien voir son parcours. Après, on va regarder qui c'est qui nous transmet cette information-là. Ce n'est pas des charlatans, ce sont des médecins, ce sont des chercheurs. Donc je ne vois pas ce que la science religieuse ou les savants religieux ont à voir là-dedans ou comment il pourrait déterminer que c'est le cas ou pas. C'est impossible. Même s'il viendrait à chercher, tu peux pas avoir des informations ou des sources fiables en un jour, en deux jours, en deux, trois jours. Là, on parle de médecine, on parle de recherche, et surtout que là, c'est très précis parce qu'il parle de, ils ont été, ils ont analysé la chloroquine et analysé la graine de Nigel. Donc, à un moment donné, c'est quoi le, il est où le mensonge? Il est où le, lien? Bref. Et donc, je disais, taille. En tous les cas, peu importe après si ça soit le cas ou pas, de toutes les manières, nous, en tant que musulmans, on a une croyance, c'est que tout guérit. Oui, je parlais voilà, des personnes qui sont plus susceptibles d'être touchées par cette maladie. Donc, ces personnes-là, je vous ai plus ou moins donné les caractéristiques plus ou moins des gens qui peuvent qui sont susceptibles d'être touchés. Et c'est un fait, hein. Quand on regarde la majorité des gens qui sont touchés, ce sont des gens comme ça, ou ce sont des gens, comme j'avais dit aussi, qui ont pas. Quand j'ai dit, c'est que je n'ai fait que rapporter. Ont une mauvaise hygiène alimentaire, une mauvaise hygiène de vie, ainsi de suite. Le problème, encore une fois, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette science, il n'y a rien de... c'est pas une science exacte, la médecine. C'est-à-dire que, comme toute chose, la seule science qui est exacte, c'est la science d'Allah. Et la science qui est liée à Allah, la science donc, de la religion qui a été transmise à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes les autres sciences, ce ne sont pas des sciences exactes, ce sont des sciences qui sont démontrées avec le temps, avec des expériences, avec des études, avec des tests, et ainsi de suite. Et d'autres qui le sont, enfin, comment ça s'appelle, qui sont avérés. Donc là, en l'occurrence, la chloroquine en soi, elle guérit, elle était prescrite dans certains cas. Là, ils ont vu le lien, où ils ont vu qu'en en appliquant ce traitement, il y a eu des résultats. Et après, il y a eu le fait que la graine de Nigel ou des composants fait partie de... Mais de toutes les manières, ça change quoi? Ça change rien. Donc, il suffit, de se concentrer un peu sur l'essentiel, de voir que des fois, on rentre dans des faux débats, qu'il y en a de l'huile de Nigel, enfin de la graine... certains composants ou pas, ça ne change rien en soi. De toute façon, ce n'est pas l'objectif de s'étaler sur le coronavirus, comme je vous l'ai dit au départ. Ne vous focalisez pas sur le coronavirus, ne donnez pas toutes vos forces dans cette chose-là, parce que ça va vous fatiguer. Vous allez voir la masse d'informations que vous allez voir passer. Ça va vous allez être dépassé à un moment donné. Donc, l'objectif, c'est pas... Donc, en tous les cas, pour le coronavirus, il y a encore des soi-disant pics, malgré qu'il y ait des traitements et qui ont commencé à être mis en place et que, soi-disant, le gouvernement est en train de discuter avec le professeur justement pour mettre en place un protocole et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une chose. Mais, d'autres personnes qui traitent l'information parmi certains activistes disent passer des événements. Et ces événements-là, ça va être une préparation au nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, entre autres, certains outils qu'ils vont avoir besoin, c'est de pouvoir mieux contrôler les peuples. Comme je vous l'ai dit, à travers l'Union européenne, ils ont fait des demandes. Déjà d'une, de pouvoir géolocaliser tous ceux qui sont, on va dire, qui ont été détectés positifs au coronavirus pouvoir aussi les suivre et ainsi de suite. Ceux qui ne respectent pas le confinement. Et je ne sais plus quoi d'autre en fait. Il y avait un autre point. Donc, ça va faire partie, en fait, où ça va leur permettre de pouvoir intégrer aux gens que, finalement, cette surveillance, elle ne sera pas... Elle est, vous voyez comment ils vont nous la faire passer? Ils vont nous la faire passer comme si c'était un intérêt, ou c'était une utilité ou une nécessité pour le bien-être des gens, pour préserver, pour le bon fonctionnement de la société. Donc, une fois qu'ils vont intégrer et que ça va se mettre en place, on va passer un cap. Ensuite, j'ai dit qu'il allait avoir, on verra si c'est le cas, on en reparlera d'ici dimanche. D'un point de vue, le lien entre ce qui est en train de se passer d'un point de vue économique avec le coronavirus, c'est-à-dire le lien de ce qui est en train de se passer avec le coronavirus et l'économie au jour d'aujourd'hui. Et de voir est-ce que c'est un élément qui va se déclencher. Ce qu'il faut savoir au niveau de l'économie, bon, c'est déjà que les monnaies ne valent plus rien du tout. D'ailleurs, le fait que à chaque fois il réinjecte, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura une grosse déflation. Et cette déflation va leur servir. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a depuis quelques années, la crypto-monnaie qui existe et qui est devenue une monnaie à part entière. Donc ça va être la monnaie du gouvernement mondial. C'est-à-dire que l'argent, en fait, ils font tout, ou tout va être mis en place pour que ça soit un contrôle total à travers cette technologie. D'où le concept des smart cities. Les smart cities, c'est-à-dire qu'il y aura justement le concept du fait qu'il y ait des caméras un peu partout, des drones un peu partout, et qu'ils fassent de la reconnaissance faciale et qu'ils savent qui sort, qui rentre, ou comment, avec qui, et voilà. C'est-à-dire que tout sera, on va dire, scruté et filtré comment on appelle ça? Et récolté comme information. En fait, ce qui se passe, comme je vous l'ai dit, on ne s'arrête pas, nous, sur le coronavirus. On ne s'arrête pas sur... En fait, on ne fait pas... on ne suit pas l'information en fonction de eux, comment ils nous la donnent. On puise et on prend l'information pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et on n'agit pas sur le moment et ainsi de suite. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de se précipiter à se bagarrer dans les magasins. De faire des... Je vous l'ai dit, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Bon, faire ses provisions en ajoutant ou rajouter quelques jours supplémentaires parce qu'on n'a pas la capacité de sortir tous les jours, ainsi de suite, ça, c'est une chose. Mais de faire des stocks et des stocks et de se comporter comme certains malades, non. Et c'est ça, en fait, ce qui est en train de se provoquer, ce qui va être provoqué. C'est une crise. Elle était déjà là, la crise sociale, mais elle va s'amplifier. Donc après, comme je dis, une fois que l'économie est réelle, c'est-à-dire toutes les petites boutiques et ainsi de suite, au bout d'un mois, il y a la majorité, ils vont mettre la clé sous la porte. Comment ils vont faire? La situation ne se sera pas améliorée. Le gouvernement sera sur un autre front, que ce soit peut-être l'économie ou peut-être un problème climatique ou je ne sais quoi. Donc, il va se passer pas mal d'éléments qui vont faire que tout le monde sera perdu. Tout le monde sera, on va dire, livré à son propre sort, entre guillemets. Et cet impact-là, ça va causer quoi? Une pénurie maintenant dans les magasins et ainsi de suite. Et pareil, au niveau de la crise alimentaire qui se dessine, elle ne va pas être maintenant, elle va être déclenchée, en fait, par toutes les autres crises qui les ont précédées. Et ça va être, on va dire, la cerise sur le gâteau. Et c'est comme ça qu'ils vont maintenant tenir le peuple. Ils vont le tenir avec la nourriture. Donc, je ne sais pas si on sera là. Et je ne le vous souhaite pas. Mais on sera peut-être à une ère où les gens, ils auront pour les petites gens, à l'heure où ils vont être, comment on appelle ça, on va leur donner les tickets pour prendre leurs bons, des bons de restauration, en fait. Faire des queues et ainsi de suite. Subhanallah, c'est, je caricature le truc, mais c'est une chose qui va se passer. Je ne vous le dis pas maintenant, mais c'est quelque chose qui va se passer. Donc voilà, le coronavirus, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est une l'escroquerie en soi. Je ne suis pas le seul à le dire, mais dès le début, je vous l'ai dit. Et que derrière, en fait, il se cachait autre chose. Et cette autre chose, c'est le gouvernement mondial. Je vous ai envoyé, je pense, une vidéo dans les, tout en haut qui parlait rapidement de certains politiques concernant le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que ce n'est pas un concept farfelu. Hein. C'est une réalité. Et quand on voit le ton dans leur discours concernant le nouvel ordre mondial, ils sont déterminés, ces gens-là. Voilà. Donc, je pense qu'on ne va pas tarder à s'arrêter là. 10-15 minutes d'un ride. Hein, parce que je m'étais dit qu'on allait quand même essayer d'exploiter tous ces moments-là pour faire un peu un rappel aussi d'un point de vue religieux. Donc, le coronavirus, on ne s'attarde pas plus que ça. Maintenant, on va essayer de tout doucement après de parler d'autre chose, du moins de ce qui va être lié. Et là, ce qu'ils ont déclenché, c'est qu'ils ont déclenché la phase de rentrer dans un nouveau monde et dans un nouveau système. À chaque fois qu'il y a eu un changement de situation, il devait s'opérer à travers des événements. Des événements qui avaient un impact fort. D'accord. Celui qui veut comprendre un peu ce que je viens de dire, qui regarde ou qui lise les livres que un certain docteur Pierre Hillard a écrit pour comprendre en fait comment les civilisations ont changé et à travers quel événement ils ont changé. Voilà. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Le coronavirus, pour faire un petit point, pour finaliser, on voit très bien cette manipulation. Le traitement de la chloroquine va être peut-être mis en place à échelle nationale. Peut-être pas partout, mais dans certains endroits. En soi, franchement, c'est pas une méthode à part entière. Il y a d'autres méthodes. C'est pas une maladie des plus dangereuses. C'est un virus qui touche surtout ceux qui sont prédisposés, comme vous l'avez plus ou moins cité. Et il n'y a pas de raison à paniquer. Même s'il y a virus, ce n'est pas sûr qu'il ait le même effet sur chaque individu. Voilà. Parce qu'encore une fois, il est question de profil. En fait. Chaque maladie, ce n'est pas tout le monde qui va déclencher ou le porter. Voilà, et après, bon, bah, je reste sur ça. Et on verra sur les prochaines semaines. Les sujets qu'on va essayer d'aborder, que ce soit lié à ce qu'il y a après le coronavirus, sûrement il y aura peut-être des petits crochets et on essaiera de parler du nouvel ordre mondial, par exemple, étant donné que c'est quelque chose qui est en train de se faire, pour que vous le matérialisez mieux dans votre esprit, que vous compreniez que c'est une réalité, c'est pas une fiction, c'est un projet qu'ils tiennent depuis très longtemps, même avant 1990. Le premier qui en a parlé devant le Parlement ou le gouvernement, c'était le père de George Bush. Donc, George Walker Bush. Ouais, je sais pas. Bref, le père, celui qui est mort. Qu'Allah lui donne ce qu'il mérite. Amen. On parlera du nouvel ordre mondial, et c'est lui le premier qui a cité, qui a dit, je crois que c'était à la première guerre d'Irak, en fait, en 1990, en disant qu'ils sont en phase, ils sont en projet d'un nouvel ordre mondial. Voilà. Et après, on a vu qu'à travers toutes les politiques, si vous tapez nouvel ordre mondial, politique, vous allez voir que c'est pas un projet farfelu. Sauf que ils ne le présenteront jamais comme ça au peuple. Parce que le peuple doit être endormi et manipulé et on doit continuer à les amener tout doucement. Parce que de toutes les manières, c'est des moutons, en fait, ils suivent. On a juste à leur dire comment marcher, comment tourner, où est-ce qu'il faut s'arrêter, où est-ce qu'il faut. Ils vont suivre la preuve. Donc malgré tout, ils suivent. À après, bien sûr, ils ont un outil de répression qui est le bras armé, la police, et tout ce qui va pouvoir leur permettre d'appliquer leurs règles et leurs mesures, même si elles ne sont plus rationnelles ou raisonnables, comme le fait que, en tous les cas, voilà, donc on essaiera de parler du nouvel ordre mondial, de ce qu'il en est, depuis quand, et que finalement, là, on est en train de vivre ce changement-là, en fait, qui va s'opérer. Donc, voilà, on va s'arrêter sur ça. Je pense que plus ou moins fait le tour de ce qui était réellement d'actualité. Et encore un autre conseil, enfin, que je vous ai déjà donné, et profitez de votre temps, non pas à manger toutes ces informations qu'on est en train de nous donner à droite à gauche parce que c'est bidon et que ça va vous polluer l'esprit. Par contre, utilisez votre temps à vous rapprocher d'Allah, à lire, à vous instruire, à vous cultiver, à essayer de mettre en place des choses et des nouvelles actions, changer. Et parce que finalement, c'est ce qu'on va avoir besoin pour pouvoir espérer qu'Allah nous permette de passer à un autre cap. D'accord. Donc voilà, le nouvel ordre mondial, on en reparlera la semaine prochaine, la prochaine fois. On essaiera de vous donner quelques explications à ce niveau-là. Et après, ça, c'est des sujets qu'il va falloir, on va dire, poursuivre dans la durée parce qu'il y a trop, il y a trop de choses en fait. Et ça touche tous les aspects de notre vie. Éducation, politique, les sciences, l'histoire, le climat, l'alimentation, la santé. Et voilà, donc c'est très complexe. Alors, donc comme je vous ai proposé, si vous voulez en faire un petit quelques minutes, 10-15 minutes, on lit un sujet ou sinon, on s'arrête sur... الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده التوحيد الألوهية الموسيقى dans l'adoration الموسيقى dans la divinité. Ce sont deux traductions. On avait donc cité certaines preuves dernièrement, ce que on avait détaillé à travers le livre du Shir. Qu'est-ce qui était le tawhid al-uluhiyya ou tawhid al-ibada? Tawhid al-ibada, non. Donc, c'est l'unicité, c'est d'unifier Allah à travers les adorations. L'unicité dans la divinité, c'est d'unifier Allah à travers son adoration. Donc, vous avez des définitions. Et ensuite, là, il est question des preuves. Donc, on avait vu les preuves. Donc, les preuves, on avait cité certains versets de Coran, deux hadiths, et maintenant, on va... هذا التوحيد هو الذي أرسل الله به جميع الرسل والأنبياء. Donc, le tawhid qui a été qu'on a cité lu ces derniers temps, c'est ce tawhid-là, comme il l'a dit, qui a été envoyé par Allah à l'ensemble des prophètes et des envoyés. Des envoyés et des prophètes. Enfin, c'est pas pareil dans les termes, mais dans la traduction, si vous avez inversé. Donc, la preuve du fait que ce tawhid qui est cité depuis le début, le tawhid de la seigneurie, le tawhid de la divinité, et ce qu'il en est réellement de leur définition et de quelques exemples qu'on a pu donner, d'accord, comme le tawhid de la seigneurie, on a ala, comme Allah dit, ala lahul khalq wal amr, n'est-ce pas, qu'à lui appartienne, à qui appartient la création et l'ordre. Donc ça, c'est le tawhid de la seigneurie. Ensuite, il y a le tawhid dans l'adoration. Le tawhid dans l'adoration, là, il a inversé, c'était hier, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc là, on a vu les deux types de tawhid, et donc la phrase, le cheikh a dit, ce tawhid-là a été le tawhid qui a été envoyé par Allah à l'ensemble de ses envoyés et de ses prophètes. Les preuves, on va les voir. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة النحل سورة الزبير الله دي traduction approximative et quand je traduis attention c'est pas la traduction exacte elle est approche et des fois des mots qui sont un peu éloignés pour que les gens comprennent c'est pas évident de traduire peut-être que ça n'a jamais été un travail en soi. Et donc, c'est une traduction approximative. Et nous avons certes envoyé dans chaque communauté, dans chaque umma, Rasoula, un prophète, un envoyé, nous avons donc envoyé dans chaque communauté un prophète ou un envoyé, afin qu'il, avec l'ordre en fait, Aniyaboudullah, si je traduis directement, c'est qu'il adore Allah et qu'il s'écarte du tarout. Donc, Allah a envoyé donc à chaque communauté, donc à chaque communauté qui a eu depuis la création des temps, donc depuis Adam alayhi salam jusqu'à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a envoyé donc des prophètes à chaque communauté en fonction des périodes et avec un ordre qui est adorez Allah et écartez-vous du tarout. Le tarout, on verra quelle est la définition du tarout. Et c'est ce qui va suivre. Le tarout, كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع الطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله. Donc, At-Tarout, la définition du Tarout, c'est toute chose qui a fait dépasser, qui a fait en sorte que l'individu a dépassé les limites qu'Allah lui a données. Min ma'boud, donc c'est tout ce qui a été dépassé, c'est-à-dire que c'est tout ce que l'homme a dépassé comme limite d'un point de vue de l'adoration, min ma'boud, par rapport à l'adoration, au matbou' dans le suivi, au mouta' obéi. At-tarout kulla qawm, tout kulla qawm, man yatahakamuna ilayhi ghayra Allahi wa rasulihi. Le tarout, c'est aussi c'est tous ceux qui vont prendre le jugement d'autres qu'Allah et d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou ya'budunahu min dunillah, ou qu'ils adorent en dehors d'Allah. Ou yattabi'unahu ala ghayra basirati min Allah, ou qu'ils le suivent avec des preuves qui le suivent sans preuve claire venant d'Allah. Ou yati'unahu fi ma la ya'lamuna annahu ta'at Allah, et qu'ils le suivent sans savoir que c'est une obéissance qui vient d'Allah ou pas. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est peut-être pas très clair. C'est peut-être pas très clair parce que pas évident de comprendre cette définition assez technique. Et Inch'Allah, on aura l'occasion de le revoir sur un livre qui s'appelle Nawaqid al-Islam, les actes annulatifs de l'islam. On l'avait fait déjà il y a quelques temps et on essaiera de le revoir. At-Tarout, c'est tout ce qui a dépassé. On appelle le mot Tarout, c'est un mot. D'accord ? Maintenant, son sens, quand on le voit dans le Coran, comme là dans le verset qui a été cité juste avant, on voit qu'Allah il a dit وَيَتَنِبُ الطَّارُوتُ d'adorer Allah وَيَعْبُدُ اللَّهَ وَيَتَنِبُ الطَّارُوتُ afin qu'ils adorent Allah et qu'ils s'écartent du tarout. Et là, en fait, le tarout, c'est un mot général, qui englobe tout ce qui est contraire à Allah, si tu veux, tout ce qui est contraire à Allah d'un point de vue de l'adoration. Mais les savants qui sont venus après, ils ont vu que, en fait, c'est pas que l'adoration. C'est aussi dans le suivi et dans l'obéissance. D'accord ? Donc, Tarout, si vous voulez synthétiser le truc, c'est quelque chose qu'Allah nous a demandé. C'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah nous a demandé de nous écarter pour que notre adoration soit correcte et valide. Donc c'est tout ce que le serviteur, un serviteur, donc chaque être humain, a dépassé les limites qu'Allah a fixées parmi ce qu'il va adorer, ce qu'il va suivre, ce qu'il va obéir. Fat-Tarout, c'est tout ce que, aussi, les gens vont prendre comme jugement en dehors d'Allah et du prophète. Donc celui qui prend ça en dehors d'Allah, qui cherche à être jugé, qui est jugé ou qui cherche à être jugé par autre que la loi d'Allah, attention, n'allez pas loin dans des explications ou dans des interprétations. Gardez juste l'information comme ça dans votre tête et avec le temps, on va essayer de développer ce sujet-là. Il va être développé, Inch'Allah, dans ce livre et on va le développer sinon dans un autre livre qu'on fera, Inch'Allah Ta'ala, qui s'appelle Nawaqid al-Islam, les actes annulatifs de l'islam. Et At-Tarout, il faut juste garder dans sa tête, on va prendre la définition de Omar ibn Khattab, où il a dit que At-Tarout, c'est Shaytan. At-Tarout, c'est Shaytan. Parce qu'en fait, c'est tout ce que Shaytan, tout ce à quoi il va inviter les gens. C'est ça, le Tarout. Donc lui, c'est un Tarout. Tout ce à quoi il va inviter, c'est un Tarout aussi. Donc, là, on a la définition technique, enfin des gens de science, de qu'est-ce qu'un tarot. Un tarot, c'est tout ce qui est, tout ce que le serviteur a dépassé comme lui. D'un point de vue de l'adoration, d'un point de vue du suivi ou de l'obéissance. Et c'est aussi tout ce que les gens ont pris comme jugement, ou prennent comme jugement en dehors d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou qu'ils adorent, ou s'il l'adore, ou ya'abdounahu min dounillah, qu'il l'adore en dehors d'Allah. Ou yattabi'ounahu ala ghayr basirati min Allah, ou qu'ils le suivent avec sans preuve venant d'Allah. C'est-à-dire qu'ils suivent ce qu'ils suivent sans qu'ils aient une preuve. Ils le suivent parce que le gouvernement, parce que l'État, parce que leur a dit de faire. Ou ils lui obéissent. Ils obéissent sans savoir que ceci ne vient pas d'Allah ou vient d'Allah. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Donc ça, on va le voir plus tard, Inch'Allah, en détail, mais ça va être, il y aura des éclaircissements. Là, le but, comme je vous l'ai dit, c'est pas de rentrer en profondeur dans tout ce qui va être développé, parce que notre cerveau n'a pas la capacité de tout gérer et traiter. Ça prend du temps, ça demande d'autres compétences dans d'autres domaines et ça demande surtout que Allah nous guide, bien sûr, et que ça mûrisse dans notre esprit. Et ça se fera à travers d'autres lectures et d'autres écoutes. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Et il t'a été révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé, mina rusul, parmi les prophètes, illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa, a été donc révélé qu'il la ilaha illa ana ba'budu, nulle divinité que moi, adorez-moi donc. Wa an abi hurayrata radiyallahu anhu qala ani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala al anbiya'u ikhwatun li'allat wa ummatuhum shatta. Donc, là, on a un hadith qui explique en fait justement le verset où Allah, quand il a dit qu'en fait il a envoyé chaque prophète avec un objectif, on comprend que tous les messagers depuis Nuh jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont été envoyés avec un seul message. Et ce message, il consistait à dire quoi ? Wa'budu Allah wa jitanibu al-tawut. Adorez Allah et écartez-vous du tawut. C'est ça le message principal. Et que tous les prophètes ont été envoyés et qu'ils ont transmis à leur peuple. Donc tous les prophètes étaient musulmans. Tous ceux qui ont suivi les prophètes à leurs époques respectives étaient musulmans. Par contre, les législations étaient différentes. C'est-à-dire qu'ils ont eu tous le même message à transmettre. Adorez Allah et écartez-vous de tout ce qu'on adore en dehors d'Allah. Mais en fonction des générations, des communautés, chacun avait une législation spécifique. On avait cité certains livres quand on avait fait le tafsir hier. Non, c'était pas hier. Si, c'était hier. Non, c'était pas hier. Excusez-moi. Avant-hier. On dit avant-hier. On avait cité. Donc, le tafsir, il était question de 4 livres. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls, mais c'est ceux qu'on a comme information à travers le hadith et le Coran. C'est Az-Zabour, les psaumes de Daoud, de David, Al-Tawrat, la Torah, Al-Injil, l'Évangile, et Al-Furqan, qui s'appelle Al-Furqan, le discernement, mais qui s'appelle, c'est un autre nom, mais c'est le Coran. Donc, dans tous ces livres-là, normalement, bien sûr, ils ont été falsifiés, d'accord, mais à l'origine, leur message, c'était d'adorer Allah et de s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, donc At-Tawut. Par contre, la législation qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'ils avaient le droit de faire ci, ou ils devaient adorer Allah de cette manière-là, ou ils devaient faire des choses de cette manière-là, ça, c'était différent. C'est pour ça que ce hadith, il vient montrer déjà l'unité du message. « قال أنه الأنبياء » les prophètes, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous, les prophètes, nous, les envoyés, nous sommes frères du même Père. Ummatuhum shatta. Et leurs mères sont de mères différentes. Wadinahum wahid. Et leur religion est seule, est unique. Il y a des annotations, parce que là, il y a des notes de page. Inahu wahid al-murad bihi usul al-tawhid. Donc, on va le prendre. Donc, awlad li'allat. Hum al-ikhwat li'ab min ummahat ashatta. Wa amma al-ikhwat min al-abawain. Fiyuqal lahum awlad al-a'yan. Sahih muslim al-nabawi. Donc, c'est ce qu'on avait dit par rapport à Ikhwat li'allat, ce sont des frères d'un même père. Donc il a dit, nous, les prophètes, nous sommes frères du même père. Dans le sens, notre message est unique, et seul, et le même. Ummatuhum shatta, et leurs mères, ils sont de mères différentes. Ummatuhum shatta, ça veut dire ay ra'i'ahum mukhtalif. Et que leur législation est différente. An-nihayatu fi gharib al-hadith. Ça c'est la source en fait. Donc des frères des mères différentes, c'est-à-dire que leur législation est différente. Ça c'est une parabole, hein, le hadith que le prophète s'en a donné. Dinahum wahid, c'est leur religion est unique, ou est seule, la même. Al-murad bihi usul at-tawhid. Ce qu'il voulait dire, c'est que c'est là, le fondement du tawhid, c'est le même. Usul at-ta'atillah ta'ala, et le fondement de l'obéissance à Allah ou la soumission à Allah est identique. Wa nirtalafat safatuhum. Même si leur caractéristiques sont différentes. وأصول التوحيد والطاعة جميعا. Donc ici comment s'appelle? Et c'est sur ces deux fonds, c'est sur ces deux bases là que ils disent que leur religion est unique et même. C'est d'un point de vue de l'unicité d'Allah, donc dans la seigneurie, dans l'adoration et dans les noms et les attributs, et dans justement l'obéissance à Allah. On va s'arrêter ici. Et on verra pour dimanche, Inch'Allah, Thamarat, ou min Thamarat al-Tawhid al-Uluhiyya, les fruits d'avoir une croyance saine au niveau du Tawhid, de l'unicité, du Tawhid de l'adoration. J'espère que ça n'a pas été trop long quand même, que ça a été clair pour tout le monde. Barakalofikum, jazakum Allah khair. On s'arrête là. Allahumma ihdina wa ihdi bina waj'alna sababan liman ihtada. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.